Chapitre 10e. Septembre arriva bien vite cette année-là, beaucoup plus vite que les années précédentes, et tout le monde en fut surpris à Gradovka. La rentrée des classes, le mariage de Groucha, le départ présumé de Demian pour le séminaire, tout cela tombait ensemble sur les épaules des divers intéressés, et Valérien Mouline fut probablement le seul à ne pas trouver que le jour du mariage était venu trop vite. La noce eut lieu sans bruit, comme une honnête noce de gens qui s'aiment et qui, contrairement aux usages reçus en pareil cas, n'éprouvent point le besoin d'inspirer de mauvais sentiments à ceux qui les entourent. La mariée était fort bien, le marié suffisamment pâle. Madame Roussoff ne s'était point fait faire de robe neuve, ce qui provoqua quelques critiques parmi ses voisines de campagne. Le père Kouzma prononça une allocution très correcte qu'il avait trouvée dans le recueil de sermons et qui avait servi deux fois seulement depuis 40 ans, parce qu'elle était à l'usage des nobles et non des paysans. Le repas fut très beau. Il y avait 52 couverts et point de petite table, tout le monde à la même, ce qui sauvait les amours propres. Chacun se retira satisfait, chose qui ne s'était peut-être jamais vue en Europe et certainement jamais dans le canton. 2 jours après le mariage, Valérien emmena sa femme et tout à coup, sans qu'on sût pourquoi, Gradovka se trouva muet et dépeuplé. Groucha ne parlait pas beaucoup cependant, et ne remuait guère davantage, mais sa présence était le charme de cette maison, et tout le monde s'en aperçut aussitôt après qu'elle l'eut quitté. Victor avait pris philosophiquement l'annonce du mariage de son ami. Pour lui d'ailleurs, ce mariage ne changeait pas essentiellement les rapports entre elle et lui. Si elle était restée avec son mari, il eût probablement reporté sur le jeune homme une partie de l'affection qu'il éprouvait pour elle, et il les eût confondus tous deux dans son dévouement. Aucune pensée de jalousie ne pouvait germer dans l'esprit de Victor. Qu'était cet être chétif, retranché du nombre, non des vivants, mais de ceux qui aiment, qui espèrent et qui obtiennent, en comparaison de Mademoiselle Roussoff, devenue Madame Moutine. Mais quand elle fut partie, le pauvre garçon ressentit un intolérable ennui. Machinalement, ses pas le portaient vers la haie du jardin d'où il avait coutume de la voir aller et venir, soignant les fleurs et les plantes avec une sollicitude que les jardiniers trouvaient inquiétante pour son repos. Peine perdue. Les fleurs pouvaient maintenant allonger leurs branches dans toutes les directions. Manquer d'eau ou de soleil, personne ne s'en occupait plus. À toute heure, 20 fois le jour, il se disait « Mademoiselle Roussoff doit jouer du piano, lire à la fenêtre, coudre dans le jardin. » Il prêtait l'oreille, tournait la tête du côté accoutumé, mais il n'entendait ni ne voyait rien qui lui donnât même l'illusion de son amie absente. « Tu t'ennuies, hein ?» lui dit son frère, un jour qu'il le voyait revenir la tête basse d'un de ses pèlerinages au bord de la haie. Victor, pris en défaut, rougit, et essaya de se défendre de l'insurmontable ennui qui se lisait sur son visage. « Ne te défends pas, » reprit Demian, « c'est tout naturel. Mademoiselle Roussoff était ton amie plus que la mienne. Moi, j'étais trop petit, et pourtant, depuis qu'elle est partie, je vois combien la maison a changé. » Madame Roussoff fait bien un peu de musique avec moi, mais elle n'a plus de cœur à rien, et ce n'est pas la même chose. » Les deux frères marchaient lentement le long de l'étang. Demian saisit le bras de Victor. « Écoute, » lui dit-il à voix basse, « te rappelles-tu qu'ici même, je t'ai dit que je ne retournerai pas au séminaire ?»« Oui. » »« Eh bien, je n'y retournerai pas. Monsieur Roussoff m'a promis de me trouver quelque chose pour vivre. Veux-tu partir avec moi ?» « Demian, tu perds la tête. Tu t'en vas dans 8 jours. »« Précisément. Mais je n'irai pas au séminaire. J'irai à Moscou. Viens avec moi. Nous travaillerons ensemble. Nous gagnerons de quoi manger du pain sec. Et nous serons libres comme l'air. »« Je ne sais rien faire, » murmura piteusement Victor. « Tu sais assez de slavons, de latin et d'histoire sainte pour donner des leçons aux petits enfants, toujours. Ils se moqueront de moi. Il faudrait voir cela, » s'écria Demian, les yeux brillants de colère, en agitant ses bras nerveux au-dessus de sa tête. « Il faudrait voir ces misérables se moquer de mon excellent Victor parce qu'il est tombé d'un arbre. » Plein d'énergie et de vaillance, il avait l'air de se préparer au pugilat avec les élèves éventuels de son frère. Celui-ci calma son enthousiasme avec une question bien simple. « Est-ce que le père t'a permis d'aller à Moscou ?» L'ardeur de Demian tomba, et c'est d'un ton parfaitement calme qu'il répondit « Je ne lui en ai pas parlé. » Victor soupira. C'était une habitude qu'il avait prise de son père. Mais, continua Demian, je suis parfaitement certain qu'il refusera. Eh bien alors, j'irai sans sa permission. Victor leva les mains au ciel. Mais le ciel doit être habitué à ce geste, car il n'y accorde pas beaucoup d'attention. Et tu viendras avec moi? Mon cher Demian, ne me demande pas cela. Je ne puis désobéir à notre père, encourir sa disgrâce. Toi, tu as pour excuse ton penchant contrarié pour la musique, mais moi. Toi, tu auras pour excuse ton amitié pour moi et l'isolement où je vais être plongé. Songe donc, Victor, tout seul, dans ce grand Moscou, où je ne connais personne, je serai bien triste et bien abandonné. Si tu viens, à nous deux, nous formerons une petite famille, et de temps en temps nous irons voir M. Roussoff. On nous invitera peut-être bien à dîner le dimanche, et puis, tu sais que Mme Moutine a promis de passer chez ses parents les fêtes de Noël. C'est là que nous ferons de la belle musique. Victor aimait bien la musique, mais il aimait mieux encore Mme Moutine, et l'argument de son frère le laissait sans défense. Cependant, son bon sens lui inspira une objection. « Sans doute, dit-il, mais si le père est fâché contre nous, nous ne pourrons pas revenir ici l'été prochain. Et pour avoir fait de la musique 8 jours à Noël avec Mademoiselle Roussoff, avec Mme Moutine, veux-je dire, nous serons privés de nos vacances pendant tout l'été. « Bois, fit Demian, avec le geste russe de la main qu'on peut ainsi traduire, au petit bonheur. L'été est si loin, tandis que c'est dans 8 jours qu'il faudra aller au séminaire. Tu ne veux pas venir ?»« Je ne peux pas, Demian, fit le pauvre garçon prêt à fondre en larmes. « Comme tu voudras, répliqua son frère d'un air froid, et il lui tourna le dos. C'était là un procédé auquel Victor était incapable de résister. Il courut après Demian, et lui mit la main sur le bras avec une douceur qui eût attendri un roc. « Et si le père nous maudit, mon frère ? » dit-il, si ému qu'il avait peine à parler. « Tu crains de partager mon sort. Tu veux rester à la maison, aimer et choyer. Pendant que Honi est déshérité, j'irai chercher fortune tout seul. Tu fais bien, et ton parti est le plus sage. Aussi, je ne t'en blâme pas, » répondit Demian d'un air dégagé. « Le père aurait tant de chagrin, » fit Victor, le cœur gros. « Et moi, crois-tu que je n'en ai pas de chagrin quand on me fait suivre une carrière qui me déplaît, quand on me prive de mon violon qui m'est aussi nécessaire que le sel et le pain ? Est-ce que tu te figures que c'est pour mon plaisir que je vais vivre pauvre comme Job pendant plusieurs années, au lieu d'engraisser paisiblement au séminaire d'abord, où vraiment on est bien nourri, bien traité, et où l'on ne fait pas grand-chose, et puis ensuite, dans une jolie cure avec une famille autour de moi ? Si tu te figures que c'est par paresse ou par égoïsme que j'aime mieux quitter ma famille, briser mon avenir et affliger mon père, tu te trompes, Victor. Mais qu'est-ce que c'est alors ? Dit l'infirme, étonné de cette véhémence. Frère, répondit gravement Demian, je crois que c'est cela qu'on appelle la vocation. Victor se tut. La vocation était un mot pour lui qui s'appliquait uniquement aux choses religieuses, et il n'en comprenait pas bien le sens, appliqué à un art profane tel que la musique. Son frère s'en aperçut. « Vois-tu, lui dit-il, avec cette même gravité qui contrastait si étrangement avec le ton véhément et la violence enfantine de ses paroles précédentes, tu as appris que les martyrs se laissaient déchirer aux bêtes pour leur foi. Que des missionnaires s'en allaient dans des pays sauvages pour convertir les idolâtres. Pourquoi faisaient-ils cela ? C'est qu'ils étaient poussés par une force dont ils n'étaient pas les maîtres. Ils aimaient mieux être mangés par les lions et égorgés par les sauvages que de vivre tranquillement en faisant des choses faciles et agréables. C'est cela qu'on appelle la vocation. Eh bien moi, j'aime mieux vivre misérablement pendant 10 ans, oui Victor, pendant 10 ans, gagnant à peine mon pain, portant des habits râpés, n'osant lécher personne parce que je serais trop pauvre. J'aime mieux, s'il le faut, souffrir de la faim et mourir sur mon violon que d'être prêtre et de renoncer à la musique. Il était transfiguré pendant qu'il parlait ainsi. Ses lèvres pâles faisaient paraître plus noir le duvet qui les ombrageait. Ses yeux lançaient des éclairs, il s'était redressé, et sa taille svelte dominait de plus de la tête le corps voûté de son frère. Celui-ci le regarda avec une admiration craintive, puis avec une soumission touchante, avec une tendresse infinie dans la voix, il lui dit doucement « Mon frère, je te crois. Puisque c'est pour partager ta misère et tes peines, je ferai ce que tu voudras. » Demian le serra fortement sur sa large poitrine sans dire un mot. Puis ils retournèrent au logis.